C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes. Présenté par Modeste Girardin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir dans notre émission Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes et l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Remercions à nouveau l'amicale des amis de Pline l'Ancien qui coproduit cette émission, encore une fois, avec toute la bienveillance et la chaleur humaine qui rendent cette institution si remarquable. Avec nous aujourd'hui pour nous parler fun, monsieur Emmanuel Pernopinet, directeur d'études à l'Université d'État de San Ruperto. Vous publiez cette rentrée un essai qui tient lieu de manifeste, Mangez bien, mangez moins bien, dans lequel vous indignez contre le fait que certaines espèces mangent d'autres espèces, objectivement moins puissantes qu'elles. Après The Macaque Fightback, publié en 2018 aux éditions Madère, vous vous livrez avec ce livre, et après bien d'autres, à un exercice classificatoire afin de déterminer qui a le droit de manger qui au sein du règne animal. Pour en débattre avec nous, nous avons Valère Decker, le Kennedec. Bonsoir, Modeste. Vous êtes zoopolitologue, expert des questions de transformation génétique et un grand habitué de cette émission. Mais oui, effectivement. Nous avons également le plaisir d'accueillir le lieutenant-colonel Brochant, qui avait été mentionné dans une émission précédente. Vous êtes un ancien officier de marine. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir. Nous accueillons monsieur Ange Figari. Ange Toussaint Figari. Vous êtes un émérite myriapodologue. Également en duplex ce soir, nous accueillons monsieur Jason Bibosch, professeur en salmonologie à l'université de Madison, Michigan. Monsieur Pernopinet, à vous la parole. Oui. Le débat. Mangez bien, mangez moins bien. Oui, alors pour que tout le monde comprenne bien, je vais peut-être donner une image qui peut être peut-être un peu trompeuse, mais qui permet de donner de se faire une bonne idée de ce dont je parle dans mon bouquin. Alors en fait, ce serait plutôt l'image de voir le règne animal comme un marché libre, hein, donc qui serait un peu régi par une main invisible et où tout se passerait pour le mieux parce que chacun, les petits mangent les gros, les plus petits mangent les plus petits encore. Et tout ça va bien, et puis avec l'évolution, les meilleurs se démarquent, etc. Donc ça, c'est une vision économiciste, certes, mais qui n'est pas forcément sans intérêt. Et du coup, dans cette perspective, je me placerai plutôt du côté des ordolibéraux. C'est-à-dire qu'on laisse un marché libre dans le règne animal, on libère les énergies, effectivement, mais parfois, ponctuellement, on intervient pour maintenir une concurrence libre et non faussée et pour éviter certaines aberrations, hein, des choses qu'on ne saurait voir. Alors, par exemple, en Amérique centrale, certaines araignées, appelées araignées Goliath, elles sont monstrueuses, hein, alors, certaines font la taille d'une assiette, oui, 30 cm. Il arrive donc à ces araignées Goliath, hein, d'Amérique centrale, de manger par exemple des rongeurs, hein, des grenouilles parfois, et même dans la petite ville de San Lufasa, hein, c'est un comté du Mexique, je ne sais plus vraiment, une araignée Goliath a mangé un chaton. C'est vraiment une aberration. Tolérant. Alors, il y a d'autres exemples, notamment dans aux Philippines, certains aigles se permettent de manger des singes, des macaques. Je le conçois pas non plus. Comment un aigle, c'est-à-dire une espèce de volatile, un piaf, je ne sais pas. Comment cette espèce inférieure au macaque peut-elle se permettre de manger eh bien des êtres vivants, des animaux plus intelligents qu'elle? Je ne comprends pas. Alors j'ai essayé d'établir une espèce de classification pour savoir qui, dans mon livre, hein, vous pouvez le lire, mangez bien, mangez moins bien. Une classification pour essayer de savoir quelles espèces pouvaient manger quelles autres. Si on se réfère à la classification, disons, traditionnelle, moderne, celle de Cuvier. Celle de Buffon, celle que reprend Cuvier, en fait. Hein. Oui, Linné, c'est autre chose. Mais on pourrait se dire, pour une grande part, on peut la suivre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les vertébrés, à mon sens, peuvent manger des invertébrés. Chez les vertébrés, les félins, qui sont tout au-dessus, peuvent manger, ovins, n'en déplaise à certains, ovins, bovins, caprins, sans que ça ne pose grand souci, et du même pour les canidés. Hein. Mais bon, cette classification peut avoir des limites. Alors si on se réfère aux anciens aussi, et là je reprends ça vraiment dans mon bouquin, que ce soit la taille des yeux, hein, donc une espèce de classification oculaire, une espèce ne peut pas manger une espèce qui a des yeux plus petits qu'elle. Je pense que ça peut vraiment être une base intéressante. Alors, il y a des cas où ça ne fonctionne pas bien, nous reviendrons juste après. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment une bonne base. C'est-à-dire que si vous prenez les araignées Goliath, hein, d'Amérique centrale, elles ont vraiment des yeux minuscules. Et du coup, je pense qu'elles peuvent vraiment juste se permettre de manger des insectes, de mettre peut-être des gros insectes. Mais à aucun moment, un chaton, un rongeur, quelle tristesse. Et donc, bon, c'est une bonne base, mais chaque classification a ses limites. Et donc, la dernière, celle que je propose dans mon ouvrage, ce serait une classification qui prendrait en compte à la fois l'intelligence des animaux, donc ça, on peut assez bien le quantifier, enfin, disons, raisonnablement, l'intelligence, le style, hein, l'intelligence, le style, et aussi le fait qu'il soit ou non menacé. Voilà, donc ce seraient les trois choses à prendre en compte. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des cas un petit peu, limite. Litigieux. Alors, par exemple, si on prend la classification par les yeux, la classification oculaire, donc on a les... alors, comment s'appelle-t-il ? Excusez-moi, je reprends mes notes. Pour vous, les autruches sont au sommet de la chaîne alimentaire, c'est ça ? Oh, les autruches n'ont pas des yeux si grands, monsieur. Si, tout à fait. Les yeux des autruches. J'ai exclu les autruches. J'ai exclu. Je vous laisse finir. J'ai exclu. J'ai exclu les autruches au début de mon ouvrage. Par exemple, si vous prenez la carangue à grosse tête, donc c'est un poisson. Il arrive à ce poisson de manger des oiseaux, donc les sternes. Et donc là, effectivement, ces oiseaux-là ont des yeux beaucoup plus petits que le carangue à grosse tête, mais c'est pour des raisons optiques, c'est-à-dire que dans le règne sous-marin, forcément, on a besoin de développer de plus grands organes visuels, disons. Donc là, c'est des cas un peu litigieux. Est-ce que la carangue à grosse tête a le droit de manger un oiseau, la sterne ? Donc c'est une question que je pose comme ça. Ça, je n'aurai pas de réponse à apporter. Il y a d'autres cas, par exemple, est-ce que pour tout ce qui est animaux amphibies, les crocos, je pense aux crocos. Hein. Est-ce que le croco a le droit de manger un grand félin ? C'est une autre question que je pose. Peut-être, moi je suis partagé, je n'ai pas de réponse, je pose des questions, je n'ai pas vraiment de réponse à tout, et j'espère que vous débattrez de ça avec moi. Est-ce que le varan a le droit de manger les œufs du croco du Nil ? Ou est-ce que c'est interdit ? Moi, je pense, dans mon cas, je pense que le varan ne peut pas manger les œufs du Nil. Le varan est beaucoup moins stylé. Il est beaucoup moins intelligent et il n'a pas vraiment le cachet. Ensuite, encore une fois, on parle de manger les œufs et non pas l'animal lui-même. C'est là où tout le débat est. Oui, et je vois qu'on sort de votre classification. Est-ce que l'animal est plus gros, plus intelligent ? Excusez-moi encore une fois. Monsieur, ce sont des gros yeux en puissance. Nous ne sommes pas ici pour faire des plaisanteries. Bon. Je faisais des petites remarques, mais on en reparlera plus tard. Le sujet est sérieux. Oui, je suis d'accord, le sujet est très sérieux. Monsieur Ratieu. Ah oui, alors... Laissons finir. Mon collègue, du coup, je voulais finir simplement. Je voulais profiter de la présence du lieutenant-colonel Buchalet, qui n'est pas d'ailleurs le lieutenant-colonel Buchalet, puisqu'il est le lieutenant-colonel Brochant. Oui, c'est lui à Buchalet, c'est un habit. Monsieur Brochant, oui. J'ai beaucoup de plaisir à débattre aussi avec monsieur Buchalet et Brochant également. Je suis vraiment heureux que vous soyez. Monsieur Buchalet, vous avez présenté avec énormément d'éloges. Oui, alors je pensais, en fait, c'est-à-dire que pour essayer, donc je veux vraiment un ordre ordolibéral, pour essayer de réguler ça, donc pas complètement laisser un marché complètement libre, mais intervenir parfois donc de deux façons. C'est-à-dire que prendre, punir d'une main, récompenser de l'autre, donc avec des actions répressives. Et donc là, peut-être que Buchalet, vous pourrez avoir votre intérêt, parce que si on utilise monsieur d'ailleurs Brochant, lieutenant mon colonel, si mon colonel, vos frelons de combat, hein, entraînés, peuvent attaquer les araignées Goliath d'Amérique centrale, oui. Oui, je pense que vos frelons peuvent vraiment être utiles. Et il y a aussi les mesures de compensation. Alors, je pensais par exemple à chaque fois qu'une araignée Goliath mange... Bon, à chaque fois qu'une araignée Goliath mange un rongeur, par exemple, on pourrait offrir à la communauté de rongeurs un DVD de Ratatouille, par exemple. Peut-être. Donc ce serait des... Mais nous pourrions aussi punir grâce aux frelons de combat, et donc là, peut-être que vous allez pouvoir nous en parler un petit peu, les araignées qui se permettraient de manger vraiment des espèces qui pertinent plus qu'elles. Oui. Alors peut-être je vous laisserai Modeste. Oui, alors tout à fait, donc merci beaucoup, oh, bah, de rien. Monsieur. Débat très intéressant, en effet, très structuré, c'est vraiment quelque chose de très méthodique. Nous a donc maintenant laissé place au débat. Lieutenant-colonel Brochant, vous aurez certainement votre mot à dire sur la question, donc je me permets de vous rappeler, à vous chers auditeurs, que le lieutenant-colonel Brochant est aujourd'hui donc retraité. Il a lancé une start-up qui s'appelle La Ruche qui dit non. En effet, propose l'élevage de frelons de combat à des fins stratégiques, offensives, et qui en effet recoupe un certain nombre de débats abordés chez les darwinistes, à savoir dresser des animaux à des fins stratégiques. Voilà, vous. Certainement que vous aurez beaucoup à dire sur. Je le pense. De toute façon, nous sommes amis. Tout à fait. Alors, effectivement, moi, je fais partie de ce qu'on appelle l'univers de la zoodéfense, hein, ce qui consiste à essayer d'optimiser les compétences des espèces combattantes, hein, ce qu'on appelle les espèces combattantes. Alors moi, je suis focalisé, en ce moment, je suis apiculteur, hein, donc je suis focalisé sur les frelons de combat, donc on entraîne des frelons à évoluer dans des environnements hostiles, hein, qu'il s'agisse d'environnements désertiques ou dans zones tropicales. Alors vous parlez des araignées Goliath. Les Goliaths sont en milieu semi-tropical, oui. Oui, alors peut-être que je veux pas rentrer dans des considérations trop techniques, hein, mais alors moi, ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Nous, moi, dans la zoodéfense, hein, on est lié à l'armée française, et donc il s'agit de faire respecter nos valeurs, et je pense que pour faire respecter certaines valeurs, il faut avoir la puissance adaptée, hein, il faut que la justice soit forte, et pour cela, il faut des frelons de combat. Des frelons de combat, alors, parce que, est-ce que vos frelons de combat, mon colonel, parce que c'est vraiment un milieu assez particulier, c'est le milieu du Yucatan, hein, au Mexique. Oui. Donc c'est un climat semi-tropical, on est dans les Caraïbes. Est-ce que vous pensez qu'on peut durablement installer des ruches? Oui, parce que importer des frelons de France, compliqué. Nous avons des modalités de déploiement qui sont très claires. Oui. Par exemple, dans le Yucatan, donc vous avez des arbres relativement hauts. Il s'agit en fait d'importer les nids, les nids seront héliportés. Nous ferons des sortes donc de nids de frelons de combat. Mais c'est donc la marine française qui... Non, effectivement. Alors, soit la marine française, soit une compagnie. Des partenariats. Si nous sommes mandatés, par exemple, par l'ONU, pour des hélicoptères pakistanais, ça fait pas beaucoup de différence. Et les nids seront héliportés, nous les ferons descendre. Nous intégrerons les frelons de combat qui seront entraînés à cibler donc toutes sortes d'arachnides, et plus précisément les araignées Goliath. Alors, quand vous parlez... Il s'agit donc de saturer la zone de frelons de combat, entraîner à détecter les araignées Goliath. Nous pouvons nettoyer la zone en peut-être 2 semaines. Ouais, le gouvernement mexicain est demandeur, mais il sera peut-être effrayé par une trop grande présence frelons dans la zone de Yucatan. Les frelons sont entraînés, ils ne ciblent que très rarement les populations civiles. Monsieur de Carlo Kennedec, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai une question à poser à notre ami de l'armée française, retraité. Je suis un ancien des troupes de mar. Tout à fait. Monsieur Brochant, colonel. Quand vous parlez de frelons de combat, vous parlez de frelons dont les aptitudes au combat ont été inoculées par dressage ou par voie génétique? Alors, les frelons... Je suis pas généticien. Cependant, nous travaillons, alors je crois que vous connaissez le professeur Wang Jihu, qui est... Oui, de l'université de Kunming. Tout à fait, Kunming. Donc le professeur Wang Jihu nous a proposé des prototypes de frelons qui sont particulièrement résistants. Haute agressivité, disons une bonne peau résistante, et ils sont dotés d'une carapace. Une carapace extrêmement résistante qui les permet de faire face aux assauts à la fois provenant des oiseaux, mais aussi, par exemple, des araignées Goliath. Les araignées qu'on a, c'est une arme. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mon colonel. Les araignées Goliath ont eu un système défensif, c'est-à-dire que quand elles se grattent, quand elles sentent qu'elles sont en danger, hein, c'est pas particulièrement infâme, hein, c'est infâme, mais quand elles sentent qu'elles sont en danger, les araignées Goliath se grattent, en fait, et elles envoient en l'air des poils qui sont autant d'arpons, très piquants, urticants exactement, mais plus qu'urticants. On est vraiment sur, c'est-à-dire on est vraiment sur des traits, des flèches, vous y connaissez bien, je sais que vous connaissez bien en balistique, et qui se plantent dans les autres espèces. Écoutez, qui si menacent. Nous... Oui. Est-ce que la carapace, oui. Ce que je voulais là où oui, je voulais en venir, est-ce que la carapace est-ce que la carapace, comment dire, est poil de Goliath proof? Oui, voilà, effectivement. Effectivement, nous, quand nous intervenons en zone tropicale, nous savons que nous allons recevoir des pertes, enfin, nous allons subir des pertes. Les pertes sont généralement tout à fait assumables. Et donc, nous attendons effectivement à perdre un certain nombre de frelons, peut-être par des poils, peut-être par des attaques même sol-air. Mais je ne pense pas que les poils de Migal soient de nature à menacer la carapace des frelons de combat. Mais je suis heureux d'entendre. Augmenté par le truchement des activités de ce généticien Wang Xihu de Kunming. Et aussi par un entraînement, donc effectivement, en milieu tropical, nous les entraînons alors dans l'école de guerre de la jungle de Manaus, hein, au Brésil, un partenariat avec l'armée brésilienne. J'aurais une question à monsieur, vous poser, colonel. Oui, quant à l'utilisation de ces arthropodes à des fins militaires, on se rend compte là dans ce que vous dites de la supériorité de ces araignées sur les frelons. Et je me demandais si vous alliez faire référence au programme Migalophonor, qui consiste justement à utiliser ces araignées. Ce n'est pas l'émission du colonel Brochant. Hein. Et je sais que ce n'est pas votre mission à vous, mais... L'émission, disons. La mission, oui. L'émission, non. Ah, pas autant pour moi. Oui, je ne peux pas monopoliser la parole alors que c'est mon cher ami Pierre Dupinet. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Posez-moi, effectivement, et je suis... Alors dans ce cas-là, moi j'aimerais bien réagir à ce que vous avez dit. Vous aviez dit tout à l'heure, ceci par exemple... Ceci dit, Michelophonor, non, je ne cautionne pas. Vous ne cautionnez pas? Bon, mais c'est bon à savoir. Je pense que je dois... Voilà, effectivement, ça, c'est un ancien de la Légion hein, qui a fondé le programme. Oui, oui, c'est un ami. Oui, non, bah, là, non. Oui, un ancien officier de l'armée française ne doit pas s'abaisser à ce genre de programme, c'est tout à fait déplorable. Mais bon, je vais laisser Emmanuel... Nous allons maintenant prendre en duplex l'émérite professeur, monsieur... Jason Bibosch, que nous avons donc au téléphone, vous avez eu la chance de prendre au téléphone, nous vous prions de ne pas l'interrompre, la connexion étant parfois un petit peu compliquée avec les États-Unis. Bonjour monsieur Bibosch. Plus maintenant. Est-ce que vous me captez bien, vous m'entendez bien? Très très bien, nous en sommes très très bien. J'ai écouté avec, je dois dire, beaucoup d'attention mes confrères. Et j'aimerais saluer M. Valère de Kerlekenedek d'être venu aux États-Unis développer Super Mosquitoes, les super moustiques. Quoi de plaisir! D'avoir accepté le partenariat. Et je voudrais. Ravi que l'émission fonde de tels partenariats et fasse avancer la science. Les masques tombent. On ne tourne plus à travers les frontières. Ah, c'est un privilège et très fier de cette alliance franco-américaine, ce partenariat. Oui. J'aimerais revenir sur les propos de mon confrère Emmanuel Pernopinet qui a semblé s'offusquer qu'un varan puisse croquer les œufs du crocodile. Je lui répondrai, écoutez, si vous me coupez, ça ne va pas le faire. On n'est pas ici, on n'est pas dans la zone 51, vous n'êtes pas d'accord. Il faut simplement, moi je crois, si le varan peut croquer ses œufs, il faut créer des plus gros œufs. Aux États-Unis, on a cette chose que l'on appelle think big, think bigger. Si les œufs sont croquables, c'est que c'est des œufs à shitty eggs, you know. It's like vous devez trouver le génome, le gène qui fait que cet œuf va devenir incroquable. J'entends. Et... oui. J'entends, mais ne pensez-vous pas, alors, monsieur... Et pour finir, j'aimerais m'adresser au colonel Brochamp, mon colonel, bonsoir. Vous êtes, si je puis me permettre cette familiarité, vous êtes bien naïf to think les Américains n'ont pas déjà créé ces brigades de fighting hornets, les frelons de combat. Nous avons... évidemment développé sur les frelons oui. pour le combat. Oui. Voilà. Et je vous adresse bien sûr. Avant que, oui. que votre cher colonel prenne la parole, j'aimerais bien répondre quand même à certaines de vos assertions. Vous vouliez en somme augmenter, comme le ferait monsieur de Kerlekenedek, les œufs de crocodile. Alors je ne sais pas bien, vous êtes américain, si vous connaissez bien le Nil. Hein, c'est le Michigan. Michigan donc. Michigan. Vous parlez des alligators de Louisiane ou des crocodiles du Nil ? Non, non, moi, en tout cas, moi, je parlais des. Si on augmente, alors j'entends effectivement, ça permettrait de si, mais ça permettrait d'éviter à ces varans de croquer tous ces œufs de crocodile. Mais si vous faites de plus gros œufs. Ne vous moquez pas de l'accent, c'est très compliqué pour moi de parler le français. Je vous prie de m'excuser. C'est un confrère. Simplement, je voudrais finir, mon très cher confrère, je voudrais finir simplement, ne craignez-vous pas qu'en créant des œufs plus gros, vous ne créassiez des crocos plus gros qui pourraient être amenés à manger, puisque vous le savez, le delta du Nil est très peuplé des Égyptiens. Et alors là, on sort complètement, c'est-à-dire que le croco ne doit pas manger de l'Égyptien, il ne doit pas manger de l'homme. Vous délirez, monsieur. Dans le pire des cas, nous ferons des films avec ces crocos. Je voudrais répondre quand même, parce que donc, voilà, alors, notre ami américain donc, faisait référence aux travaux, effectivement. Hein, aux travaux, alors je crois que c'est de l'Air Force hein, qui travaille sur effectivement, des prototypes de frelons de combat alors, américains. Alors en France, bon... effectivement, on n'a pas les moyens. Hein. On n'est pas aidé comme voilà, les start-up de la zoodéfense américaine. Mais je pense qu'on a quand même notre savoir-faire. On a nos ruches, on a nos espèces, on a notre frelon européen qui, voilà, est ce qu'il est. Mais... oui, enfin, oui, pour l'instant, il se fait croquer par le frelon japonais. Hein. Non. Que c'est d'un côté ou de l'autre. Écoutez, je sais qu'il y a des vidéos qui circulent sur le net. Vous dites que c'est des deepfakes. Je le dis, je le répète. Voilà, donc je sais que les pirates russes sont très actifs sur la toile. Nous avons notre site, le site de la ruche qui dit non. Ils sont très très efficaces. Le site de la ruche qui dit non a été hacké plusieurs fois. C'est la ruche qui dit stop. Une attaque des DOS, c'est ça, sur votre ruche qui dit non ? Oui, exactement. Ouais, elle dit stop, je crois. Et alors, la ruche dit stop, elle dit non. Et monsieur Père de Pinet, vous prierez donc de bien vouloir me supporter dans... face avec nos alliés américains, mais qui pourraient, je pense, nous témoigner un peu plus de respect par la voix de la scientifique. Je trouve que cette intervention de notre ami américain est un vent de fraîcheur et quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Mais bien sûr. Oui, alors. C'est parce que nous sommes un petit peu nombrilistes. Moi qui suis zoopolitologue et j'ai l'habitude de regarder les questions de manière beaucoup plus internationale, bien sûr. Mais vous autres chers collègues, vous êtes très, très intéressés aux questions qui concernent la France et on va dire son espace géopolitique privilégié, c'est-à-dire Afrique, Moyen-Orient. Mais ce sont des questions en fait, qui sont d'une portée bien plus grande, bien plus ample, et où il nous faut regarder, bien sûr, où sont les entraides, où sont les financements, où sont les concurrences aussi. Oui, alors je voudrais dire que le dernier prototype très de frelons de combat... Mon collègue, s'il vous plaît. Donc le dernier frelon, hein, le frelon M214. D'où provient-il, ce frelon ? Oui, donc le nôtre, hein, celui de la Russie. Non, mais est-il asiatique ? Non, c'est un frelon de souche européenne, donc nous avons effectivement un partenariat avec Kunming, mais le frelon... excusez-moi. Le matériel génétique reste européen, et l'équipement est français. Et donc ce frelon a été prouvé hein, bien supérieur, je crois que c'est le F-117 américain, qui a des grosses déficiences hein, au niveau des ailes, je crois. Il n'est pas capable d'abattre un scorpion. Bah, écoutez, monsieur, mon colonel, je vous remercie. Il aurait été défait par une musaraigne. Je vous remercie et j'attends vos ruches. Merci. Très bien. Merci à toutes, merci à tous. Je suis ravi que ce débat ait réussi à porter ses fruits. Et un débat international. Excusez-moi, donc pour finir, nous écoutons monsieur Ange Figari. Ange Toussaint Figari, je suis vraiment navré, monsieur, je ne voulais pas vous offusquer. Non, mais c'est mon nom. Un mot rapide pour conclure ce débat. Mes parents m'ont donné, et j'en suis fier. J'aimerais en mot de la fin, poser peut-être une question ouverte à mon très cher collègue. Tout à l'heure, vous disiez que c'était intolérable que des aigles puissent s'attaquer à des macaques qui sont des êtres plus intelligents qu'eux. Mmh. À cela, je vous répondrai, si les macaques étaient si intelligents, est-ce qu'ils se laisseraient attaquer ? Voilà. Alors, là, on en est là. Je ne trouve pas que ça... Ça, c'est très bien vu. Et qu'on peut très bien être intelligent, par exemple. Je vous prends un exemple. Vous êtes... Est-ce qu'il vole à 90 km/h, votre macaque ? Est-ce qu'il voit à 500 mètres de distance ? Non, je ne crois pas. Vous êtes un GDN. Il a des capacités de préhension. Vous êtes un GDN. Vous êtes un universitaire talentueux. À 32 ans, vous êtes maître de conférence. À 36, vous êtes professeur déjà des universités. Vous travaillez à Gare du Nord, je ne sais pas. Ou ailleurs, quelque part, et vous faites tuer par un schlag. Hein. Bon, c'est perdu, je veux dire. Et c'est pas parce que la force l'emporte que... Je suis toujours le téléphone. Vous avez pas raccroché. Attendez, on était toujours en duplex avec le Michigan. Monsieur Kevin, est-ce que tu peux... Je suis toujours là, si vous pouviez... Au revoir, monsieur Jason. Oui, allez. Non, mais la technique, j'aimerais Kevin, bien Kevin, répondre à Ange, parce que c'est comme ça que vous vous appelez. Hein, Kevin, est-ce que tu peux nous couper avec monsieur Biboche, s'il te plaît? Alors, Ange, je vous remercie. Ça tourne le débat. Goodbye, monsieur Ange Toussaint. Goodbye. Nice to meet you. Bye-bye. Glad to see you. Next. J'aimerais vous répondre, Ange Toussaint. On ne peut pas accepter, même si comment dire, une espèce est plus physiquement plus faible, je ne vois pas comment vous pouvez concevoir qu'un singe, qui vraiment parfois sait faire des outils, là on parle du macaque, donc on est aux Philippines, donc ces macaques maîtrisent le coconut spin. Donc, vous recommande par ailleurs le remarquable ouvrage The Macaque Fightback à nouveau. C'est vraiment, chers auditeurs, ces macaques ne sont pas augmentés, ce sont simplement des macaques dressés, il y a l'université à Manille, donc on est toujours sur les Philippines. Monsieur Pernopina a écrit des lignes définitives sur les macaques. C'est quel livre vous avez dit? C'est quel livre? The Macaque Fightback, voilà, c'est paru aux presses de Manille. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Vous ne l'avez pas envoyé? Un ouvrage très intéressant. Moi, je l'ai eu. Vous pouvez le dédicacer à la fin de l'épisode. Je ne comprends pas qu'on puisse cautionner qu'un aigle qui a déjà des plus petits yeux qu'un macaque, qui est moins intelligent qu'un macaque, certes, il est stylé. Mais alors, est-ce que simplement parce qu'un aigle est stylé, parce que par exemple, les États-Unis ont décidé d'en faire un espèce d'animal totem? Non, c'est le pygargue, c'est pas l'aigle. Je suis désolé, on va pas se mettre à tout confondre. Alors, le pygargue, l'aigle, certes. Qu'est-ce que vous êtes pénible, monsieur Figaretti, là. Vous manquez vraiment de poésie. S'il vous plaît, monsieur Figaretti. Est-ce que vous êtes avec des zoologues, moi, excusez-moi. Ah non, bon, d'accord. Mais que soignerez-vous, par exemple, sous prétexte que le coq soit l'emblème de la France, qu'il puisse manger, le paysan qui l'élève, ou je ne sais pas. Non, ce n'est pas possible. La polémique de Maurice le coq. Très bien. Messieurs, finissons sur ces... On n'en est pas encore au galinacé de combat. Ces aigles-là qui mangent des macaques aux Philippines font perdre beaucoup d'argent aux producteurs de coco. C'est un autre problème. Il suffit. Ou pas, comme tous les oiseaux. Messieurs, notre temps d'antenne est limité. Je clorerai là-dessus ma parole. Voilà. Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous écoutiez Derrium Natura, le rendez-vous des darwinistes. À la technique, Kevin Souza. À la réalisation, Joachim Planchard. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.